évanouie, t'es fait profane, t'es plus gardien. Je me suis enfin décidé, à tout mon cœur je suis entré. Dans une pièce, j'ai attendu que l'on vienne enfin me chercher. Les minutes me semblaient des heures, mon visage oui serait le soir. Ouais, le soir. Me saisissant de ses mains expertes, très acharné sur ma mâchoire.